في كل وقت كل حين. جالت أمي يا نظر عيني تراني، عفتي حلو النوم عقبك يا ضيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais dans un premier temps rendre hommage à tous les frères et sœurs en islam qui font un travail remarquable sur internet de da'wah, de rappel par rapport à la religion, par rapport à l'islam. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, qui écrivent des textes, qui vont chercher toutes les informations concernant la jurisprudence, d'autres qui se sont spécialisés dans tout ce qui est actualité, tout ce qui est complot, d'autres se concentrent sur les mises en garde des innovations et des gens de l'égarement et des complots contre l'islam. Donc je voudrais vraiment tirer un hommage, rendre hommage à toutes ces personnes, qui soient dans l'ombre ou à la lumière. On est tous plus importants les uns que les autres, tous complémentaires, et on forme une mini-umma, un mini-corps qui est très important de nos jours de préserver. Voilà, c'était vraiment pour passer ce message, je voulais le dire depuis longtemps, mais pour moi c'est super important. Je fais des audios, mais n'importe quelle personne n'aurait pu faire des audios. Je suis juste là pour résumer un certain nombre d'informations que je rencontre à droite à gauche de la part de mes frères et sœurs, ou partager une science vraiment avec modestie. Je ne suis ni un savant, ni rien de tout ça. Je suis un simple musulman qui suis confronté à la vie et aux épreuves très difficiles comme tout le monde, et qui essaie dans ce quotidien d'avancer dans le din et de s'améliorer dans la da'wa et de continuer le jihad nafs. Voilà, je voulais répondre aussi à des gens qui nous demandent de quel minhaj on fait partie. Moi personnellement, j'aime pas les noms de minhaj. J'ai pas un nom particulier, je suis tout simplement musulman et j'essaie de suivre les salafs, j'essaie de suivre l'islam authentique, j'essaie de suivre les savants qui, quand ils parlent ou écrivent des livres ou donnent leur opinion sur un statut juridique, nous donnent des preuves crédibles qui vont avec. Voilà, donc on n'a pas de minhaj précis. On suit là où la vérité se trouve et on écarte le mensonge là où il se trouve et le faux là où il se trouve. Donc voilà, moi je suis beaucoup de savants, de minhaj différents, de styles différents. Je suis ouvert à tout ce qui pourrait élever la parole d'Allah et tout ce qui correspond au Coran et à la Sunna. Je ne crache pas sur les mujahidin. Je ne suis pas pour un islam de France et d'Europe. Je ne suis pas pour un islam démocrate laïcard. Je soutiens tous les gens qui sont au front, tous les gens qui sacrifient leur corps, leur sang et leur âme pour l'islam. Donc on n'a pas de minhaj précis. Voilà, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. On sait grâce à Allah Azza wa Jal ce qui correspond à l'islam et ce qui ne correspond pas à l'islam. Allah Azza wa Jal nous a ouvert les yeux, le cœur et les oreilles sur beaucoup de sujets, et on ne peut pas nous avoir comme ça facilement comme des ignorants. Donc on n'a pas de minhaj précis, on suit le chemin de la vérité et on prie tous les jours pour que Allah nous guide en toute modestie et avec humilité. Et contrairement à d'autres, on est ouvert au dialogue. S'il y a des choses qui ne vont pas, pas de souci. Toujours le faire avec les règles de bienséance, en privé ou en public si c'est pas trop violent. Ouvert au dialogue sans problème, mais il faut une argumentation, Il faut un vrai échange, un vrai débat. Et à la fin, on compare et on pèse les arguments les plus lourds, et celui qui a les arguments les plus faibles doit se repentir. Parce que je vois un certain nombre de frères qui viennent me faire des critiques de temps en temps, mais avec des arguments vraiment faibles, mais très très faibles, des preuves très faibles, une réflexion tordue, à côté de la plaque. Et ils veulent que moi je revienne sur mes mots, alors que moi mes mots sont appuyés par des centaines de preuves extrêmement lourdes. Donc faut faire attention, il faut comparer les preuves, et la vérité effacera le faux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أذكرك في كل وقت وكل حين، يا لا تمضي يا نظر عيني تراني، عفي حلو النوم عقبك يا ضيني، أصداحت دنياي ما تسوى بدونك. عيت فارق عن خيالي، صورتك في وسط قلبي يا جنيني، ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة، وتنشر الفرحة على القلب الحزيني. صورتك عيت فارق عن خيالي، صورتك في وسط قلبي يا جنيني، ضحكتك تطرد عن النفس الكآبة، تنشر الفرحة على القلب الحزين. اعذريني يا باعد روح، اعذريني واغفري زلات عمري وسامحيني، ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي، لكن الجنة